On était allé chercher la garde. Lui, de son côté, avait fait comprendre à l'individu que s'il faisait le moindre mouvement, il le percerait d'un coup de baïonnette. Il en dit autant à ceux qui étaient dans le café. Aussi, pas un ne bougea. C'est alors que la garde est arrivée avec le commissaire de police. Cette garde n'intimida pas Picard. Il était dans ce moment comme un lion qui tient sa proie sous ses griffes et qui regarde fièrement les chasseurs. Nous étions près de lui. Il ne nous voyait pas. Les invalides et le commissaire étaient tremblants de peur. Les femmes disaient « Il a raison. Il passait son chemin tranquillement. On l'a insulté. » À la fin, un ministre protestant qui avait tout vu et qui parlait français s'avança, expliqua au commissaire comment la chose s'était passée. Alors on dit à Picard qu'il pouvait lâcher l'homme, qu'il tenait sous son pied, qu'on allait lui rendre justice. Il dit à celui qu'il tenait sous son pied « Lève-toi ». Celui-ci ne se le fit pas dire une seconde fois. Lorsqu'il fut debout, Picard lui allongea un grand coup de pied dans le derrière en lui disant « Voilà ma justice à moi ». L'homme se retira en portant la main à la place où il avait reçu le coup, aux huées de toutes les femmes présentes. Pendant ce temps, le commissaire faisait payer une amende de 25 francs aux individus qui avaient insulté Picard, ainsi qu'à celui qui avait reçu le coup de pied. Il en mit la moitié dans sa poche, pour le roi, disait-il, et pour les frais de justice. L'autre moitié, il la présenta à Picard, qui d'abord refusa. Mais faisant réflexion, il en donna la moitié aux invalides, et l'autre au ministre protestant, en lui disant « Si vous rencontrez la femme d'un vieux soldat, vous lui remettrez cela de ma part. » On se fit expliquer ce que Picard venait de faire, car on ne pouvait comprendre autant de désintéressement de la part d'un soldat. Aussi c'est à qui lui aurait dit des choses flatteuses. Même le commissaire de police qui vint lui baragouiner un compliment. Nous continuâmes à marcher dans la direction du palais, Grangier et moi en faisant des réflexions sur le caractère des Prussiens, et Picard chantant ce refrain « Ah, tu t'en souviendras, Larira, du départ de Boulogne !» Nous arrivâmes sur la place. Nous vîmes en face du palais où était logé le roi Murat un régiment de nègres appartenant au roi. C'était vraiment drôle à voir. Des hommes noirs sur une place couverte de neige. Ils étaient en colonne serrée par division. Les sapeurs avaient des bonnets de peau d'ours blanc, et les officiers qui les commandaient étaient noirs, comme eux. Je n'ai pu savoir quelle route ce corps avait pris pour se retirer, mais je pense qu'il alla passer la Vistule à Marienwerder. Le bruit du canon avait presque cessé. Les Russes venaient d'être chassés des environs de la ville par un corps de troupes fraîches qui n'avait pas fait la campagne de Russie. Quelques coups à mitraille au milieu de leur cavalerie avaient suffi pour les faire retirer. L'encombrement des voitures d'équipage appartenant à différents corps et que l'on voulait faire sortir de la ville avant de l'avoir évacué nous fit arrêter. Nous nous trouvions près du logement de Picard. S'en étant aperçu, il nous cria « Halte, mes amis ! Il faut que je fasse mes adieux à ma bourgeoise, que je prenne mon manteau blanc, la pipe et le bonnet en peau de renard noir du défunt, dont on m'a fait présent, et que nous vidions encore quelques bouteilles de vin qui se trouvent sous mon traversin de paille. » Nous entrâmes dans la maison et nous allâmes directement à sa chambre sans rencontrer personne. Alors Picard, sans perdre de temps, dénicha 5 bouteilles, dont 2 de vin et 3 de genièvre de Danzig. Il nous dit d'en mettre chacun une dans notre sac. C'est ce que nous nous empressâmes de faire. Ensuite il appela la bourgeoise, qui arriva aussitôt. « Permettez, dit Picard, que je vous embrasse, pour vous faire mes adieux, car nous partons. »« Je m'en doutais bien, nous dit-elle, et vous ne serez pas plus tôt hors de la ville que les sales Russes vont vous remplacer. Quel malheur! Mais avant de nous quitter, vous allez prendre quelque chose. Vous ne partirez pas comme cela. » Et aussitôt elle alla chercher 2 bouteilles de vin, du jambon et du pain, et nous nous mîmes à table en attendant que l'on recommençât à marcher. Bientôt plusieurs coups de canon se firent entendre, très rapprochés. La femme cria « Jésus, Maria !» Et nous sortîmes. Je me trouvais en avant de mes 2 camarades. À quelques pas devant moi, un individu que je crus reconnaître était aussi arrêté. Je m'approche. Je ne m'en étais pas trompé. C'était le plus ancien soldat du régiment, qui avait fusil, sabre et croix d'honneur, et qui avait disparu depuis le 24 décembre, le père Elliot, qui avait fait les campagnes d'Égypte. Il était dans un état pitoyable. Il avait les 2 pieds gelés, enveloppés de morceaux de peau de mouton, les oreilles couvertes d'eux-mêmes, car elles étaient aussi gelées, la barbe et les moustaches hérissées de glaçons. Je regardais sans pouvoir lui parler, tant j'étais saisi. Enfin, je lui adressai la parole. « Eh bien, père Elliot, vous voilà arrivé. D'où diable venez-vous? Comme vous voilà arrangé. Vous avez l'air souffrant. »« Ah, mon bon ami, me dit-il, il y a 20 ans que je suis militaire. » Je n'ai jamais pleuré, mais aujourd'hui je pleure, plus de rage que de ma misère, en voyant que je vais être pris par des misérables Cosaques sans pouvoir combattre. car vous voyez que je suis à demi mort de froid et de faim. Voilà bientôt 4 semaines que je marche isolé depuis le passage du Niémen, sur la neige, dans un pays sauvage, sans pouvoir obtenir aucun renseignement sur l'armée. J'avais 2 compagnons. L'un est mort il y a 8 jours, et le second probablement aussi. Depuis 4 jours, j'ai dû l'abandonner chez de pauvres Polonais, où nous avions couché. J'arrive seul, comme vous voyez. Voilà, depuis Moscou, plus de 400 lieues que je fais dans la neige, sans pouvoir me reposer, ayant les pieds et les mains gelés, et même mon nez. Je voyais de grosses larmes couler des yeux du vieux guerrier. Picard et Grangier venaient de me rejoindre. Grangier avait de suite reconnu le père Elliot. Ils étaient de la même compagnie, mais Picard, qui cependant le connaissait depuis 17 ans, ne pouvait le remettre. Nous entrâmes dans la maison la plus à notre portée. Nous y fûmes bien accueillis. C'était chez un vieux marin. Généralement, ces gens-là sont bons. Picard fit asseoir près du feu son vieux compagnon d'armes. Ensuite, tirant d'une de ses poches de sa capote une des 2 bouteilles de vin, il en remplit un grand verre et dit au père Elliot : « Ah ça, mon vieux compagnon d'armes de la 23e demi-brigade, avalez-moi toujours celui-ci. » « Bien, et puis cela, très bien. À présent, une croûte de pain, et cela ira mieux. » Depuis Moscou, il n'avait pas goûté de vin ni mangé d'aussi bon pain, mais il semblait oublier toutes ses misères. La femme du marin lui lava la figure avec un linge trempé dans de l'eau chaude. Cela fit fondre les glaçons qu'il avait à sa barbe et à ses moustaches. « À présent, dit Picard, nous allons causer. Vous souvenez-vous, lorsque nous nous embarquâmes à Toulon pour l'expédition d'Égypte ?» Dans le moment, Grangier, qui était sorti afin de voir si l'on recommençait à marcher, rentra pour nous dire qu'une voiture arrêtée devant la porte et chargée de gros bagages appartenant au roi Murat était une occasion pour le père Elliot, qu'il fallait de suite le faire monter. « En avant !» s'écrit Picard. Et aussitôt, avec le secours du vieux marin, nous perchâmes le vieux sergent sur la voiture. Picard lui mit l'autre bouteille de vin entre les jambes et son manteau blanc sur le dos, afin qu'il n'eût pas froid. Un instant après, on recommença à marcher, et une demi-heure après, nous étions hors d'Elbing. Le même jour, nous passâmes la Vistule sur la glace, et nous marchâmes sans accident jusqu'à 4 heures pour nous arrêter dans un grand bourg, où le maréchal Mortier, qui nous commandait, décida que nous logerions. Ce n'est pas par vanité et pour faire parler de moi que j'ai écrit mes mémoires. J'ai seulement voulu rappeler le souvenir de cette gigantesque campagne qui nous fut si funeste, et des soldats, mes concitoyens, qui l'ont faite avec moi. Leurs rangs, hélas, s'éclaircissent tous les jours. Les faits que j'ai racontés paraîtront incroyables et parfois invraisemblables, mais qu'on ne s'imagine pas que j'ajoute quelque chose qui ne soit vrai, et que je veuille embellir mon récit pour le rendre intéressant. Au contraire, je prie de croire que je ne dis pas tout. Cela me serait impossible, car j'ai peine à y croire moi-même. Et cependant, tout cela a été mis en note pendant que j'ai été prisonnier en 1813, à mon retour de cette captivité en 1814, sous le coup de l'impression et de l'effet que produisent dans le cœur la vue et la participation de pareils désastres. Ceux qui ont fait cette malheureuse et glorieuse campagne conviendront qu'il fallait, comme disait l'empereur, être de fer pour avoir résisté à tant de maux et de misères, et que c'est la plus grande épreuve à laquelle l'homme puisse être exposé. Si j'ai pu oublier quelque chose, comme date ou nom d'endroit, ce que je ne pense pas, il est de mon devoir de dire que je n'ai rien ajouté. Plusieurs témoins de ce que j'écris, qui étaient dans le même régiment que moi, et quelques-uns dans la même compagnie, et qui ont fait cette mémorable campagne, vivent encore. Je citerai en particulier messieurs Serraris, grenadier, Vélite actuellement maréchal de camp au service du roi de Hollande, natif de Saint-Nicolas en Brabant, il était lieutenant dans la même compagnie où j'étais alors sergent. Rossi, Fourrier dans la même compagnie, natif de Montauban, et que j'eus le bonheur de rencontrer à Brest en 1830. Il y avait 16 ans que nous ne nous étions vus. Vachin, alors lieutenant dans le même bataillon, habitant actuellement Anzin, Nord. Lorsque je le rencontrai, il y avait 20 ans que nous ne nous étions vus. Le Boude, sergent-major alors, à présent lieutenant général en Belgique, était aussi du même bataillon, ainsi que Grangier, sergent qui était du Puy-de-Dôme, en Auvergne. Celui-là était mon ami intime. Dans plus d'une circonstance, il me sauva la vie. Il avait une faible santé, mais un courage à toute épreuve. Il est mort du choléra en 1832. Pierson, aussi sergent Vélite, actuellement capitaine à l'état-major de place à Angers. Il était très laid, mais bon enfant, comme tous les Vélites. Il n'y avait pas de figure comme la sienne. Il était tellement reconnaissable qu'il ne fallait l'avoir vu qu'une fois pour se le rappeler. À propos de Pierson, je vais conter un fait pour venir à l'appui de ce que je viens de dire. au commencement de cette campagne à l'époque où nous étions à Vilna, capitale de la Lituanie, un jour qu'il était de garde à la manutention, c'était le 4 juillet au moment où l'on faisait construire de grands fours pour la cuisson du pain de l'armée, l'empereur fut voir si les travaux avançaient. Pierson, qui était le chef du poste, voulut profiter de cette occasion pour solliciter la décoration, et s'avançant près de Sa Majesté, il lui demanda. L'empereur lui répondit « C'est bien, après la première bataille. » Depuis, nous eûmes le siège de Smolensk, la grande bataille de la Moscova, ainsi que plusieurs autres pendant la retraite. Mais l'occasion ne se présenta pas pour lui de rappeler à l'empereur sa promesse, car ce n'était pas le cas d'en parler, pendant la retraite désastreuse que nous fîmes et où il eut le bonheur d'échapper. Ce ne fut qu'à Paris, quelques jours après nos retours, le 16 mars 1813, à la Malmaison, où nous passions la revue, le même jour où je fus nommé lieutenant, que Pierson fut rappelé à l'empereur la promesse qu'il lui avait faite, et s'approchant de lui, l'empereur lui demanda ce qu'il voulait. « Sire, répondit-il, je demande la croix à votre majesté, vous me l'avez promise. »« C'est vrai, répond l'empereur en souriant, à Vilna, à la manutention. » Il y avait 10 mois que cette promesse lui avait été faite. Ainsi l'on voit que l'individu avait une figure à ne pas oublier. Mais aussi, quelle mémoire avait l'empereur. Je citerai encore d'autres témoins. M. Peugnot de Valenciennes, directeur des postes et relais de l'empereur, qui m'a vu mourant couché sur la neige, sur le bord de la Bérézina. M. Mellet, dragon de la garde, que j'ai souvent rencontré dans la retraite traînant son cheval par la bride et faisant des trous dans la glace sur les lacs pour lui donner à boire. Il était de Condé, du même endroit que moi. On pouvait le citer comme un des meilleurs soldats de l'armée. Avant d'entrer dans la garde, M. Mellet avait déjà fait les campagnes d'Italie. Il fit dans cette même arme, avec le même cheval, les campagnes de 1806, 1807 en Prusse et en Pologne, 1808 en Espagne, 1809 en Allemagne, 1817-1811 en Espagne, 1812 en Russie, 1813 en Saxe et 1814 en France. Après le départ de l'empereur pour l'île d'Elbe, il resta pour attendre sa retraite, dans la garde royale, toujours avec son cheval qu'il n'a jamais voulu abandonner. À la rentrée dans l'empereur de l'île d'Elbe, il reparut encore dans le même corps, comme garde impériale à Waterloo. Il fut blessé et son cheval fut tué. C'était toujours le même avec lequel il avait fait tant de campagnes et avec qui il avait assisté à plus de 15 grandes batailles commandées par l'empereur. Si l'empereur fût resté, ce brave militaire eût été dignement récompensé. Quoique chevalier de la Légion d'honneur, il est aujourd'hui dans la misère. Dans la retraite de Russie, quelquefois, seul au milieu de la nuit, il s'introduisait dans le camp ennemi pour y prendre du foin ou de la paille pour cadet. C'était le nom de son cheval. Il ne revenait jamais sans avoir tué un ou deux Russes, ou pris ce qu'il appelait un témoin, c'est-à-dire fait un prisonnier. Montfort, grenadier vélite à cheval, actuellement officier de cuirassier en retraite à Valenciennes. Quoiqu'étant du même pays et aussi de la garde impériale, je ne le connaissais à l'armée que de réputation, par la manière dont il se distingua dans différents combats que nous eûmes en Espagne. En Russie, il traversa la Bérézina, à cheval au milieu des glaçons, mais son cheval y resta. À Waterloo, sur le mont Saint-Jean, dans une charge que son régiment fit contre les dragons de la reine d'Angleterre, il tua le colonel d'un coup de sabre dans la poitrine, qu'il l'envoya souper chez Pluton. Pavard, capitaine en retraite à Valenciennes, était pendant la campagne de Russie au chasseur à pied de la garde impériale. Tout ce qu'il compte de cette campagne, de ce qui lui est arrivé, de ce qu'il a vu, est très intéressant. Dans la retraite à Krasnoé, où nous nous sommes battus pendant les jours des 15, 16 et 17 novembre contre l'armée russe forte de 100 000 hommes, la nuit du 16, la veille de la bataille du 17, lorsque les Russes nous serraient de près, Pavard, qui était alors caporal, commandait une patrouille de 6 hommes. En cheminant, il aperçoit sur sa droite une autre patrouille composée de 5 hommes. Pensant et presque certain que c'était des nôtres, il dit aux hommes qu'il commandait « Halte, attendez-moi, je vais parler à celui qui la commande afin de marcher dans la même direction pour ne pas tomber dans les avant-postes des Russes. » Aussitôt, les hommes s'arrêtent et lui s'avance vers cette patrouille qui, en voyant un homme seul venir à elle, croit probablement que c'était un des leurs. Mais Pavard reconnut que ce sont des Russes. Il était trop tard pour rétrograder. Il s'avance résolument, et sans donner le temps aux Russes de se reconnaître, il tombe dessus à coups de baïonnette. Il en met 3 hors de combat. Les autres se sauvent. Après ce coup hardi, il retourne pour rejoindre ses hommes, mais ils étaient près de lui. Il s'accourait pour le secourir. Vilkes, sous-officier dans un régiment de ligne, habitant de Valenciennes, prisonnier sur les bords de la Bérézina, conduit en captivité à 1400 lieues de Paris, où il resta pendant 3 ans. Le capitaine Vachin, dont j'ai parlé plus haut, avant de partir pour la Russie, lorsque nous étions en Espagne, eut avec mon sergent-major une discussion très vive, qui finit par un duel et un coup de sabre qui partagea la figure de mon sergent-major en deux, car cela lui prenait depuis le haut du front jusqu'en bas du menton. Il en fit autant à l'occasion aux Autrichiens, Prussiens, Russes, Espagnols, Anglais, contre lesquels il combattit pendant 10 ans sans interruption, car pendant ce laps de temps, il assista à plus de 20 grandes batailles commandées par l'empereur Napoléon. À la bataille d'Essling, le 22 mai 1809, Vachin portait pendu à son côté une gourde remplie de vin. Un de ses amis, sous-officier comme lui fait signe qu'il voudrait bien boire un coup de son vin. Vachin lui crie d'avancer, et lorsqu'il fut près de lui, il lui présenta à boire en se baissant de côté. Cela se passait au fort de l'action où les boulets, et mis la mitraille, nous arrivaient de toutes parts. Mais à peine le buveur avait-il avalé quelques gorgées, qu'un brutal de boulet, autrichien, emporte la tête du buveur, ainsi que la gourde. 2 jours avant, ils avaient dîné ensemble à Vienne, et là ils s'étaient fait réciproquement un don mutuel de ce qu'ils avaient comme montre, ceinture, en cas que l'un ou l'autre fût tué. Mais Vachin n'eut pas l'envie de mettre à exécution ce qu'ils étaient convenus de faire. Il se retira, reprit son rang, heureux de n'avoir pas été atteint par le même boulet, mais en pensant que d'un moment à l'autre, il pouvait lui en arriver autant, car l'affaire était chaude. Je fus blessé le même jour. Outre les anciens militaires que j'ai connus particulièrement, je puis citer encore, comme ayant fait la glorieuse et terrible guerre de Russie, messieurs Bouy, capitaine en retraite à Valenciennes, et de Valenciennes, chevalier de la Légion d'honneur. Ourez, capitaine en retraite à Valenciennes, et de Valenciennes, chevalier de la Légion d'honneur. Piette, sous-lieutenant de Valenciennes. Legrand, ex-fusillé des grenadiers de la garde impériale, habitant Valenciennes, chevalier de la Légion d'honneur. Foucard, casernier qui fut blessé et prisonnier, chevalier de la Légion d'honneur. Isambard, ancien sous-officier garde des musées, chevalier de la Légion d'honneur. Petit, sous-lieutenant de la Jeune Garde. Moujard, garde du génie, en retraite à Condé, Nord, chevalier de la Légion d'honneur. Boquet de Condé. Bourgogne, ex-grenadier vélite de la garde impériale, chevalier de la Légion d'honneur.